Voyager le long d'une des grandes lignes qui va vers l'ouest avec un des directeurs de la compagnie pour gagner Saint-Paul et Minneapolis. Mon objet, en visitant la ville qui porte le nom du grand apôtre, était de rendre mes devoirs à son archevêque, Monseigneur Harland, le plus éloquent d'entre les prélats, qui oriente aujourd'hui l'Église du côté des problèmes sociaux. Il y a du Savonarole dans ce prêtre à la longue et rude figure, à qui toute assemblée est bonne pour jeter au peuple la parole de vie, et qui disait un jour « C'est notre avantage à nous autres évêques américains que l'on ne s'étonne jamais de nous voir dans des réunions, quelles qu'elles soient. Vous ne vous imaginez pas, Monseigneur de Paris, assistant à un banquet d'entrepreneurs de drainage ? C'est en y manquant, moi, que j'étonnerai. Cela nous donne bien des occasions de faire connaître le catholicisme. Et sous quelle forme il le présente, ce catholicisme ? Avec quelle magnifique largeur d'âme ! Il faut avoir lu quelques-uns de ses discours pour le comprendre, pour le sentir plutôt. L'Église et le siècle et l'Église, rapprochons-les du plus intime contact. Leurs pouls battent à l'unisson. Le Dieu de l'humanité travaille dans le siècle. Le Dieu de la révélation travaille dans l'Église. C'est le même Dieu et le même souffle. Et encore, quoi, notre Église, l'Église du Dieu vivant, l'Église des 10 000 victoires sur les païens et sur les barbares, sur les fausses philosophies et sur les hérésies, sur les rois défiants et les peuples déréglés, la grande, la charitable, la libérale Église catholique, s'est assoiffée de vertu, s'est affamée de justice, avoir peur du 19e siècle, elle avoir peur d'un siècle quelconque? Quelle parole et comment les chrétiens de désir, dont je suis et qui s'appelle Légion, ne frémiraient-ils pas à les entendre passer sur le monde moderne et sur leur propre cœur? Les temps sont venus où le christianisme doit accepter toute la science et toute la démocratie sous peine de voir trop d'hommes s'en aller de lui. Il faut qu'il fasse un canal sacré à ces deux jaillissements. Et qui sait si l'archevêque de Saint-Paul n'est pas l'ouvrier prédestiné de cette tâche? Qui sait s'il ne doit pas un jour prononcer de pareilles paroles d'un siège plus haut encore? Il y a déjà un cardinal américain. Pourquoi n'y en aurait-il pas deux bientôt? Pourquoi n'y aurait-il pas un pape issu de cette libre union, où les chefs de l'Église ont su redevenir ce qu'étaient les premiers apôtres, des hommes tout voisins du cœur du peuple, du cœur de ses humbles, en qui fermentent tant d'irrésistibles idées? Ce peuple les croit, ces idées, contraires à ce qu'a enseigné le Christ. Prouvez-leur, prouvez-nous, s'il est possible, qu'il n'en va pas ainsi, et que vous sauvez tout de l'idéal dont ont vécu nos pères, sans rien sacrifier de celui qui palpite en nous. Quelle œuvre pour un pêcheur d'âme de la grande race, et de quel élan ce monde moderne, malade de négations à travers sa science incomplète, irait vers l'Église si beaucoup de ses prêtres parlaient le langage que parle celui-ci. Dans le naufrage de la civilisation européenne, que le militarisme et le socialisme sont en train de noyer de barbarie, voilà un point de lumière vers lequel marcher. Ce ne sera pas une petite gloire de ce pays nouveau que l'étincelle de ce feu directeur ait été allumée ici. Je devais rencontrer l'archevêque plus tard, à New York, et recevoir de sa personne une impression égale à celle que m'avaient laissé ses discours. Cette fois, et tandis que je venais le chercher à Saint-Paul, dans le modeste office qu'il occupe à la porte de sa modeste cathédrale, il était à Baltimore à prononcer, pour le jubilé de son Excellence le cardinal Gibbons, une de ses harangues de flamme. Je ne regrette pourtant pas cette longue excursion. Je la qualifie de longue, en me souvenant des habitudes françaises. 14 heures de chemin de fer ne comptent pas en Amérique. J'ai pu bien pénétrer mes yeux durant ce trajet, du plus psychologique des paysages que j'ai vus dans mon existence errante. Un paysage d'affaires, si l'on peut dire, tant la trace de la spéculation est partout empreinte le long des rives de ce Mississippi, célébré par Chateaubriand et Longfellow. L'énergie américaine a fait du vaste cours d'eau le véhicule mutuel d'un énorme trafic. Le père des fleuves est devenu un bon et docile ouvrier qui charrie infatigablement le bois que coupe infatigablement là-bas, au-delà de Saint-Paul et de Minneapolis, des bûcherons aux grands yeux bleus, aux roses figures blondes de bons géants. Ce sont des émigrants qui arrivent de Suède et de Norvège, 600 000 dans les 10 dernières années. Les longues flottaisons de gros troncs coupés glissent avec l'eau qui court, chacun entaillé d'une marque de couleur qui dit sa destination. Cette eau, tour à tour, verte et claire, boueuse et jaune, enserre tant d'îles que jamais on ne discerne l'autre bord de la rivière. Le bord où nous sommes est sillonné de convois qui vont infatigablement et incessamment, eux aussi, chercher à toute vapeur des bêtes et du grain. Dans ce mystérieux, dans cet inépuisable ouest, il s'épuisera pourtant, et l'on se demande ce que deviendra ce peuple quand il ne pourra plus exploiter ce réservoir immense. En attendant, c'est un spectacle d'activité extraordinaire, même au sortir de Chicago et de New York. La voiture privée où nous voyageons a été attachée presque tout de suite à une locomotive spéciale. Ce petit train exceptionnel s'arrête sans cesse pour laisser passer les trains réguliers, composés presque exclusivement de ces wagons de bestiaux. Notre voiture, destinée aux excursions du président de la compagnie, n'a pas été disposée pour le luxe, quoique ses deux chambres, à coucher, son salon, sa salle à manger, sa cuisine, sa salle de bain, en fassent une véritable maison roulante, dans laquelle on passerait des semaines sans trop s'apercevoir que l'on est en route. D'ailleurs, combien de personnes ne voyagent pas autrement? J'entendais à Newport une jeune femme organiser de la sorte une partie d'amis. Elle devait conduire ses invités dans son wagon à elle, et son seul regret était que la gare de Chicago fût trop bruyante pour un long séjour. Cette voiture privée a surtout pour but d'éviter l'hôtel. S'il arrive au cours d'une de ses promenades à travers des 500 lieues de pays, que l'habitant de ce wagon spécial tombe malade, il reste à s'y faire soigner, comme un politicien de ma connaissance que son médecin traite d'une fièvre typhoïde dans un wagon analogue à celui-ci, immobilisé en ce moment aux abords de je ne sais quelle petite gare du Colorado. Des ordres sont donnés pour que les locomotives ne sifflent pas quand elles approchent de cet endroit. L'abondance de ces voitures privées est telle qu'un fait pareil passe inaperçu. Le wagon où je voyage, lui, est une espèce d'office roulant, destiné à faciliter le travail du président et des directeurs, qui veulent voir de leurs yeux comment se comporte leur ligne. Ici encore, je retrouve cette identification de la grande affaire américaine avec telle ou telle personne que j'ai déjà marquée à propos des journaux. Presque tous les grands chemins de fer, comme celui-ci, sont au pouvoir d'un très petit nombre d'individus. Dans certains cas, un seul homme se trouve possesseur de la majorité des actions. Dans d'autres cas, ces actions se répartissent entre 4 ou 5 capitalistes. D'autres fois, les intérêts représentés par un groupe de ces capitalistes sont si forts que le reste des porteurs de parts préfèrent leur abandonner la libre direction de toute l'entreprise. De là résulte dans cette direction ce caractère d'autocratie que M. Bryce signale avec tant de justesse comme un trait unique du chemin de fer américain. Ceux qui l'administrent y sont maîtres absolus. La nécessité de la vision directe est une autre conséquence de cet état de choses. D'ailleurs, la concurrence est trop forte pour permettre cet anonymat de l'organisation routinière, dont la vieille Europe est si éprise. Un chemin de fer américain représente trop d'intérêts vivants. Il n'est pas seulement une voie de communication plus rapide, à côté d'autres routes et de canaux, par exemple. Il est dans presque tous les États la communication unique. Pensez que les 60 millions d'hommes qui habitent les États-Unis possèdent à eux seuls plus de voies ferrées que tous les habitants du globe réunis. Le capital mis en œuvre dans cette industrie est de 55 milliards de francs. Le nombre des employés est de 800 000. Le chemin de fer, ainsi compris, ne dessert pas des villes toutes faites, entre lesquelles il attache un lien plus souple et plus court. Il est lui-même un créateur de villes. Entre Chicago et Saint-Paul, on en voit naître une vingtaine, à qui la gare a servi de germe vital. Des boutiques se sont ouvertes à l'usage des employés, puis d'autres boutiques, à l'usage des premiers boutiquiers. Y a-t-il une mine dans le voisinage, ou une espérance de mine, un pâturage ou une possibilité de pâturage? Les émigrants affluent. Si quelques phénomènes naturels, tels qu'une cascade, permet une usine, des industries s'établissent. Minneapolis n'a pas d'autre origine. Le chemin de fer passait là. Les chutes du Mississippi se prêtaient à une installation de moulins incomparables. Et voilà le principe d'une des futures capitales du monde. Il ne faut pas se lasser des statistiques qui rendent comme perceptible cette étonnante germination. Cette Minneapolis, poussée littéralement d'hier, et où n'a pu naître aucun homme ayant à l'heure présente 40 ans, puisqu'elle n'était pas, occupe aujourd'hui la 121e place dans la liste des cités de toute la Terre, dressée par ordre de population. Elle vient immédiatement après La Haye, avant Trieste, avant Toulouse, avant Séville, avant Gênes, avant Florence, avant Venise, avant Le Havre, avant Boulogne, avant Rouen, avant Strasbourg. Il n'y a pas qu'une fantaisie paradoxale dans l'accolement de ces noms antiques à ce nom, si barbare d'origine et si symbolique. Il dérive d'un mot grec et d'un mot sioux. C'est un déplacement total du plan de l'histoire qui se manifeste par ces inattendus déplacements, dans les centres de l'activité humaine. Si nous n'avions pas laissé s'abolir en nous le sens du mystère caché, dans toute réalité, même brutale et vulgaire, quand elle est fécondante à ce degré, nous reconnaîtrions là un des miracles d'une époque à laquelle il ne manque pour nous faire frémir d'admiration que le recul de l'âge. Pour l'homme d'affaires, ouvrier inconscient de ce miracle, la fondation d'une grande ligne n'est qu'un problème de spéculation. Si ces graines de cité échappaient ainsi aux tuyaux de la locomotive avec les escarbilles et les étincelles, lève ou avorte, le terrain tout autour vaudra ou ne vaudra pas des millions de dollars. Le plus souvent, la compagnie a reçu ce terrain à titre gracieux et sans débourser un centime. Le Congrès a ainsi accordé 13 millions d'acres à l'Union Pacifique, 6 millions au Kansas Pacifique, 12 millions au Central Pacifique, 47 millions au Northern Pacifique, 42 millions à l'Atlantique Pacifique. Tant vaudront ces terres, tant vaudra le chemin de fer. Ils les fécondent et elles l'enrichissent. Il y traîne une alluvion d'humanité qui en découplera, qui en centuplera le prix. Ce sont ces chiffres qui se multiplient dans l'esprit du magnat, comme on appelle les grands railroads men, penchés par la portière de son wagon. Il regarde se dessiner des ébauches de ville dans ses pauvres maisons de bois posées sur le sol et amenées ici par pièces numérotées. Il se demande comment et quand cet embryon éclorera, grandira, se développera, et de nouveau abandonné aux douceurs du rocker dans son salon qui roule. Des plans colossaux surgissent dans sa pensée. Il est habitué à des amplitudes d'entreprise, égales à celles d'un premier ministre. Il a déjà fait des villes, il a fait des régions. Il lui a fallu déployer des qualités de grand diplomate pour lutter aujourd'hui contre une compagnie rivale, demain contre un gouverneur d'État. Il a livré des batailles, formé des ligues. Il a dû, pour que l'affaire marchât, comme elle marche, enrégimenter des milliers d'hommes, choisir parmi eux les plus habiles, leur commander comme Napoléon commandait à ses officiers et à ses soldats. C'est un pouvoir non plus décoratif et honorifique, mais un pouvoir réel, agissant avec une responsabilité immédiatement contrôlée par le succès ou l'insuccès. Au sens féodal de ce mot, ces gens sont des princes et qui ont le plus souvent l'orgueil de s'être conquis leur principauté eux-mêmes. Ils peuvent se revoir à 20 ans de distance, petits boutiquiers, vendeurs de charbon, domestiques d'hôtels, serfs-freins. Une telle existence a sa poésie, non pas celle que chantent les poètes, mais c'est une poésie tout de même, et elle a sa beauté, qu'un Balzac eût aimée. La locomotive continue d'aller, tandis que ses réflexions m'assiègent et le paysage de se développer. Des débris de forêt entourent le Mississippi, maintenant tout rouillé par l'automne. La magnificence des temps roux, leur épaisseur, leur solidité presque, réchauffent le regard. À un moment, dans le crépuscule, un coin de cette forêt brûle sur l'horizon. Une flamme colossale se tord, illuminant un massif de montagnes, tandis que l'eau du fleuve où se reflète le ciel du couchant se fait adorablement rose et mauve. Quelques minutes, l'invincible nature a pris sa revanche et abolit l'industrie. J'imagine devant ce paysage soudain transfiguré ce qu'a dû être ce coin d'Amérique, voici 50 ans, lorsque les trappeurs et les Indiens luttaient dans ces herbes et dans ces bois, au bord de cette rivière que Longfellow a chantée. Men whose lives glide unlike rivers that water the world wound, darkened by shadows of earth, but reflecting an image of heavens. Des hommes dont la vie est secrète et ressemble aux rivières parmi les bois mystérieux. Muet miroir obscur, l'ombre terrestre y tremble, mais il y laisse aussi les images des cieux. C'est en présence d'horizons pareils qu'il faut relire les romans, démodés aujourd'hui, de Fenimore Cooper, qui ont charmé notre adolescence à tous par-delà les mers. Je viens de parcourir à nouveau un des plus célèbres, l'éclaireur. La facture en est médiocre. La fabulation se noue parmi des événements d'une invraisemblance enfantine. L'analyse et la profondeur manquent au caractère. Ce livre pourtant possède, la première d'entre les qualités d'un roman, la crédibilité. Il la doit, à travers ses défauts, à l'évidente bonne foi avec laquelle sont peints les divers types, et en particulier celui du guide. De ce bas de cuir devenu légendaire même en Europe, on sent par-dessous les faiblesses du style et celles de la composition, comme dans les chroniques écossaises de Walter Scott, la vérité d'une tradition locale recueillie à même la source. Cela ne s'imite pas et ne vieillit pas. On devine derrière ce récit de fantaisie la nature d'autrefois. Et l'Américain du dernier siècle, à la veille de l'indépendance, tout en vie morale et sans cette industrie qui règne aujourd'hui sur cette immense terre. Il y a eu là, dans le contact de ce puritain et de cette nature sauvage, une période unique, dont le grand héros réel fut Washington. L'Angleterre était toute voisine, et le sang de ses fils émigrés sur le continent nouveau n'avait pas subi le prodigieux coupage qui le transforme aujourd'hui. Ces romans de Cooper montrent cette rigidité anglaise des Américains d'alors, et aussi l'âpreté de la guerre avec les Indiens, en même temps qu'ils étalent la merveilleuse richesse en animaux de ce sol, si définitivement dépeuplé de son gros et de son petit gibier. Il raconte les débuts de la lutte contre cette nature, maintenant conquise, mais violée et brutalisée. On comprend, après cette lecture, que les États-Unis ont déjà usé toute une civilisation de chasseurs et de pionniers avant de revêtir leur civilisation d'aujourd'hui. Ce peuple neuf a déjà plus vécu depuis ses 100 ans que toute l'Europe depuis la Renaissance. Entre les mœurs que décrit ce Pathfinder et celles dont j'essaie de donner quelques crayonnages, il y a certes plus de différence qu'entre la France du XVIIe siècle et celle de nos jours, malgré les secousses de notre Révolution. La plasticité de cet étrange pays est telle que l'on peut prévoir des différences égales entre les mœurs de cette année, qui aura vu l'exposition de Chicago, et celle de 1993. Et alors, comme il y a 100 ans, et comme le ce soir, le coucher du soleil, l'eau du fleuve et le ciel seront seuls demeurés les mêmes. Les mêmes étoiles s'allumeront là-haut et la même lune se lèvera, noyant la vaste rivière devenue toute pâle, les bois devenus tout sombres. Mais éclairera-t-elle encore cette même file de trains qui croisent le nôtre et qui vont emportant éperdument des bêtes et du blé et des bêtes, et de l'argent toujours et encore, vers quelques énormes fortunes destinées à se répandre quelques jours sous la forme de dots, dans quelques palais ruinés d'Italie, dans quelques châteaux historiques et pauvres d'Angleterre ou de France. Saint-Paul, où j'arrive un dimanche matin, est une grande ville chaotique, en partie construite avec ces mêmes maisons de bois posées sur le sol, comme les cités naissantes du bord de la ligne. Puis, le long d'une sorte de terrasse macadamisée et qui domine le Mississippi, se détache une suite de belles maisons de pierres pas très hautes, d'une architecture savante. Elles forment une longue rue d'hôtels particuliers, pareil à ceux de Hyde Park ou de l'avenue du Bois. L'extérieur révèle chez les hommes qui les ont bâtis et qui sont tous des gens d'affaires d'ici cette habitude de fastueuse dépense si contraire, semble-t-il, à l'âpreté de lucre partout empreinte dans ce dur pays. Cette contradiction n'est qu'apparente. L'Américain aime à faire le dollar, comme il dit, mais il ne s'y cramponne pas. Il cherche surtout dans la conquête de la richesse une excitation d'activité, l'affirmation de sa personne, et il affirme cette personne également, sinon davantage, par le faste de sa dépense. Ce faste est quelquefois très barbare. Il est souvent très intelligent. J'ai pu m'en convaincre en visitant une des maisons de cette Summit Avenue, la rue élégante de ce rue de Saint-Paul. La galerie de tableaux que cette maison renferme est mentionnée dans les guides. Elle appartient au président d'un des grands chemins de fer de l'Ouest, un self-made man s'il en fut. Ceux qui l'ont connu, il y a 25 ans, se le rappellent petit employé de commerce. Puis il a vendu du charbon, frété des bateaux. Cette dernière entreprise lui a fait connaître de visu les richesses du Montana et du Nord Dakota. Un chemin de fer commencé dans ces régions était tout voisin de la faillite. Il a racheté cette ligne perdue. Aujourd'hui, grâce au contrat qu'il a su conclure, et de transbordement en transbordement, cette ligne fait le service direct de Buffalo au Japon. Voilà un type accompli d'une grande affaire américaine. La petite expérience personnelle est à la base, et les résultats s'amplifient jusqu'au fantastique par l'audace des combinaisons. L'intérieur de la maison aménagée par cet homme extraordinaire n'est pas moins typique. Des tableaux partout et encore des tableaux, des coraux de première beauté, entre autres la Bible qui figurait à la vente secrétant, des Troyons, des deux camps, un Courbet colossal, de Delacroix, les convulsionnaires, et une vue des côtes du Maroc, devant laquelle je m'arrête, croyant rêver. J'ai vu cette toile il y a des années. Je l'ai recherchée depuis dans des vingtaines de musées publics et privés, sans qu'aucun livre pût me renseigner sur son possesseur actuel, et je la retrouve ici. C'est une petite plage étroite, une marge de grève sablonneuse, au pied d'une âpre falaise. Des morts enlèvent rapidement une grande barque. Le village, un nid de pirates, apparaît tout blanc et très haut dans une cassure de terrain. Cette place des maisons, la sauvagerie de cette grève, la hâte de ces matelots, la liberté de la grande mer, d'un bleu intense sous le ciel brûlant, tout décèle l'aventure, le coup de main, le danger. Il y a du réalisme et du romanesque, de la couleur éclatante et du drame dans ce tableau d'un artiste réfléchi et passionné, toujours à la recherche d'une beauté complexe où l'indéfini du mystère tragique égala le relief du rendu. Quel chemin a fait cette toile entre l'atelier du peintre et cette galerie d'un millionnaire du bord de l'Ouest? J'ai vu pareillement, à Baltimore, dans la collection d'un autre magnat, d'un autre chemin de fer, la suite complète des dessins de Barry, de ce même Delacroix, un Christ dormant dans la tempête, avec un étonnant paysage de mer, une houle livide dans le glauque, hurlante et déchaînée, sous un ciel livide dans le violet. Des fromentins, des Daubigny, d'autres Corot, d'autres Decan, d'autres Troyon, toute la gloire française. À quel sentiment obéissent ces spéculateurs enrichis, en amoncelant ainsi chez eux des trésors de l'art le plus étranger à ce qui fut le métier et la passion de toute leur vie? Je crois y discerner la trace d'abord de ce rêve de culture, cette nostalgie d'un loisir intellectuel qui me touche toujours dans des personnages aussi saturés d'énergie pratique. J'y reconnais ensuite une volonté de bon citoyen. Ils nourrissent une sorte d'amour très particulier pour la ville où ils se sont établis, qu'ils ont vu grandir, quelquefois naître, et à laquelle ils veulent assurer toutes les supériorités. Un musée en est une, et ils la lui donnent, dans leur maison. Presque toujours le testament de ces grands hommes d'affaires contient quelques clauses, qui attestent combien est profonde, combien générale cette idée que les millions entraînent avec eux un devoir civique. Ils versent des 500 000 dollars en subvention à la bibliothèque, à l'université, au musée de leur ville. Quand un d'entre eux meurt sans avoir pris des dispositions de cette sorte, un blâme universel tombe sur sa mémoire. C'est pour cela que chacune de ces villes d'industrie en Amérique est fière de ses millionnaires. Le moindre cocher vous montre leur demeure, vous révèle le chiffre de leur fortune. Il les désigne par leur petit nom. Il reste sous-entendu qu'une solidarité municipale unit ces potentats du dollar à leurs concitoyens immédiats. En fait, cette solidarité existe matériellement et quotidiennement. Ce même monsieur Chausset, de Pew, dont je citais tout à l'heure un discours, disait à un reporter ces mots significatifs. Oui, un président de chemin de fer est un grand serviteur du public. Il ne saurait ni tout faire ni contenter tout le monde, mais il peut beaucoup, et quand il fait de son mieux, vous ne trouverez pas d'autre homme qui, dans une haute position, produise davantage pour le confort, un good citizenship, de larges communautés. C'est une des vertus les moins connues chez nous du businessman américain. En réservant la part de la vérité et celle du humbug, je la crois des plus sincères.